arrière. Belle ou chance d'un destiné. Sur ce lumière, sur toutes les terres. Sombre avec tes groupes préférés. Dans ce péché, lui, cache par heure. Car le monde vit et dans ton cœur. Tu as planté justement la terreur. Et ne rien ne te fait peur. Ouvre ta force dans l'œil. Et personne ne t'arrêtera. Trouve ta force dans l'œil. Tous les ennemis, tu les vaincras. Quel métier pourrais-tu faire? Toi qui rejettes toutes les lois. Gagne un concert, trouve ta force dans l'œil. Et personne ne t'arrêtera. Trouve ta force dans l'œil. Tous tes ennemis, tu les vaincras. Antipathique est arrivé.